رد الشيخ زيد حفظه الله تعالى على ما قاله الحلبي ورد عليه غير واحد من أهل العلم cette règle avec laquelle est sorti dernièrement Cheikh Ali Al-Halabi beaucoup d'hommes de science lui ont répliqué parmi ceux qui ont répliqué Cheikh Zayd من هذه حفظه الله تعالى et d'autres فهذه القاعدة والعمل بها مفاده أنك تأخذ العلم من هؤلاء الذين بدعهم العلماء وبدعهم كثير من أهل العلم ولكن الشيخ الحلبي لم يبدعهم فعلى قاعدته تأخذ منهم وتضيع وتتيه فإن الله عز وجل سيت غاقل Si on l'a mis en application, ça va nous amener où ? Ça va nous amener au fait qu'on a le droit de prendre la science de ceux que beaucoup d'hommes de science ont décrété leur innovation. Et selon la position de Cheikh Ali Al-Halabi, non, tu peux prendre la science chez eux. Et si on suit cette règle-là, on va être perdu. On va baigner dans un océan d'ambiguïté. Et on va patauger. Pourquoi ? Parce que le Halabi ne les a pas rendus innovateurs, tout simplement. Et ceci est une situation qui est très dangereuse. Et vu que la situation est arrivée à ce point-là, حدثني البعض في بلجيكا وفي كثير من مناطق فرنسا هذه الأيام يقول أن الإخوة الآن لا يبالون لا في فرنسا ولا في بلجيكا يجلسون يتعلمون القرآن والعربية ممن على شاكلة المغراوي وبإسحاق وما إلى ذلك وطبعا هؤلاء لا يسلمون لأنهم يخرجون بشبهات من عند هؤلاء هل يعقل أن تجلس أنت عند أحد أتباع المغراوي والمشرب بمنهجه أو المشرب بمنهج أبي إسحاق ومحمد حسن وتخرج سالمة هذا لا يمكن أبدا هل يعقل أن أتباع هؤلاء عندما يعرفونك أنك أنت سلفي وتأخذ بما قاله أهل العلم في المغراوي وأبي إسحاق وكذا هل تظن أنت أنك سيتركونك بدون إيحاءات بدون كذا بدون أن يلقوا إليك شبه هذا مستحيل أخي الإسلام لن تخرج عندهم فقط باللغة العربية ولا بالقرآن ستخرج بطوام وتخرج بشبه فمن الله عز وجل تنظر فخيخ مغاكونتيك سسواء en Belgique ou un petit peu en France et un petit peu partout. Certains frères ne font plus attention maintenant avec qui ils apprennent, que ce soit la langue arabe, que ce soit le Coran, etc. Ils s'en foutent qu'ils le prennent chez les disciples de l'Mghraoui ou les disciples d'Abi Ishaq ou les ceux qui sont de tendance sorori ou kharij, peu importe. Le mohim, il veut apprendre le Coran et l'arabe. Toi, tu crois, frère en Allah, azzawajal, que c'est celui qui est en face de toi, qui, sur une tendance... qui n'est pas la tendance du puiseur d'Allah Alim, il va te donner le Coran et l'arabe comme ça, sans te glisser ses ambiguïtés, surtout s'il sait que tu mords sur la voie de ceux qui ont rendu, hein, qui ont répliqué Al-Mghraoui, qui ont répliqué à tous les autres. Tu crois que tu vas sortir comme ça, saint de l'Akh al-Islam. Tu ne prendras même pas l'arabe ni le Coran. Tu vas prendre des ambiguïtés et tu partiras avec les ambiguïtés. Et tu vas rester avec eux. Et après, ça va être comme beaucoup sur le terrain maintenant. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pourquoi tant de divergences ? Il faut faire très attention. Il y a quelques frères, les frères, quand je parle, je dis que c'est vrai. Ils ont des kalimat ou des afkar. ويقول حتى أن مع المدة تغير منهجنا وتغيرت نظرتنا إلى العلامة الشيخ ربيع وإلى الشيخ عبيد وإلى الشيخ محمد أمل الجامي وإلى هؤلاء certains de nos frères avec lesquels j'ai discuté me disent c'est vrai il nous envoie des ambiguïtés de là où on ne le sait pas, de là où on ne le sent pas. Il y a tel point que notre vision a changé de la voie d'El Salaf, il y a tel point que nos positions sont devenues réticentes vis-à-vis de son éminent Cheikh Rabeh, vis-à-vis du Cheikh Obeid, vis-à-vis du Cheikh Mohamed Amel Jam et d'autres. Tu ne peux pas sortir comme ça, Akhal Islam. Tu ne peux pas être épargné. وبما أن الحالة كذلك فنتدارس وإياكم رسالة قيمة لعلها تنفعنا وتوقظنا من غفلتنا. Puisque la situation est ainsi, nous allons étudier ensemble une noble risala. Peut-être que cette risala va être bénéfique pour nous. Peut-être qu'il va nous réveiller de notre sommeil et de notre insouciance. رسالة كتبها أبو غالب عبد الله بن محمد الصومالي وكم سمع في الأشرطة للشيخ مقبيل حفظه الله تعالى التزكية لهذا الرجل ولهذا العالم ورسالته حفظه الله عنول لها بتنبيه أولي الألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والارتياب والرسالة زينت بمقدمة لخليفة الشيخ مقبيل رحمه الله على دار الحديث بدماج حفظه الله الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى et combien nous avons entendu dans les audios les éloges que faisait الشيخ مقبيل حفظه رحمه الله تعالى واسكنه فجيح جناته l'éminence de science du Yémen combien d'éloges il faisait à cet homme qui a écrit cette risala que nous allons étudier durant cette visite inshallah. Il s'appelle Abu Ghalib ibn Abdillah ibn Mohamed Somali. Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et sa risala porte le titre Atterrir l'intention de ceux qui sont doués de raison, comme quoi il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation et du doute. Et cette risala a été embellie aussi par une belle introduction de celui qui a remplacé Cheikh Mokbel, Habibullah Ta'ala, dans l'enseignement dans le centre de Dammaj, qui est Cheikh Yahya Al-Hajour, Habibullah Ta'ala. Yaqul Cheikh Yahya, Habibullah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ يحيى الحجور حفظه الله تعالى comme introduction à cette risala il a commencé par le Fatiha et après il a dit فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا وقد حرم الله النجش وسائر بيع الغرر والخداع وكتم عيب السلعة والربا والرشوة والتعاون على الإثم والعدوان وأكل الميتة والدم وحرم الغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من المحرمات كل ذلك لما فيه من الضرر على العباد. إذ حفظه الله تعالى إن زيت غبق طباخ dans l'authentique de l'imam muslim il hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui nous trahit ne fait pas partie des nôtres, il n'est pas sur la même voie que nous. La trahison ne fait pas partie de la voie de Mohammed alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit beaucoup de formes de vente, le fait de cacher les défauts de ce que tu vends, le fait de déguiser la situation pour une marchandise ou quoi que ce soit, tout ceci. Il y a des formes de vente que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Riba, il nous l'a interdit. Le fait de donner un pot de vin, le fait de s'entraider sur le mal, le fait de commettre une injustice, le fait de manger le cadavre, le fait de manger le sang. Il nous a interdit la médisance, le colportage et le fait d'attester une mauvaise attestation, une attestation fausse. Et d'autres choses parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait illicite, comme l'a fait aussi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans tout ça, il y a un grand mal pour les serviteurs. Qala ta'ala, yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Et il nous cite un verset ici. Allah, il veut vous éclairer sur la situation et vous guider et que vous soyez sur la voie de ceux qui sont passés avant vous. Allah, il veut vous pardonner. Et il est celui qui sait et qui fait les choses à la perfection. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Allah, il veut vous pardonner. Mais ceux qui suivent les tentations et les plaisirs veulent que vous vous détourniez. Un grand détournement. Veulent vous dévier. يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah veut alléger les situations pour vous. Et l'être humain, il a été créé faible. وَقَالَ سُبْحَانَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et il est dit dans l'autre verset, il vous est arrivé un messager qui est de la même race que vous. Et il lui est difficile ce qui est difficile pour vous. Il tient au croyant et il est clément et doux pour le croyant. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Et s'ils y tournent, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala me suffit. Et j'ai fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain du tronc géant. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ يحيى في مقدمته فمن رحمة الله سبحانه بعباده أن بين لهم سبل الهدى وحد لهم مسالك الزيغ والردى. Il dit, حفظه الله تعالى, fait partie de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, c'est qu'il a montré à ses serviteurs les chemins de la guidée. Et il les a avertis contre eux les chemins de la déviation et les chemins qui vont les faire périr, qui vont les faire tomber. Quand tu entends les chemins de la guidée, ça veut dire les chemins du bien. Dans le bien, il y a beaucoup de chemins. Mais sinon, la rectitude, c'est une seule voie qui amène vers la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les portes du bien sont beaucoup. Le bien dans le jeûne, le bien dans le monde, le bien dans le da'wah, le bien dans ceci, etc. Il y a beaucoup de portes du bien. يقول حفظه الله وإن من أعظم ما أبانه الله عز وجل لعباده وحد لهم من شره وفساده هو مجالسة أهل الهوى والركون إلى دعاة الفتنة والغوى الذين مكروا بالدعوة إلى السنة وأهلها مكرا كبارا وأوقعوا بالمسلمين شرا وبوارا. Il dit fait partie des grands bienfaits, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé ses serviteurs. Il les a avertis contre le mal du fait de s'asseoir avec les gens qui suivent leur passion et de s'asseoir avec ces prêcheurs de la fitna et les prêcheurs de la déviation qui ont fait beaucoup de mal et qui manigancent contre la da'wa de la sunna et qui manigancent contre les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et ils ont cela ont fait un grand mal à la communauté musulmane. يقول حفظه الله فكان التحذير منهم واجبا والبعد عنهم وعن مجالستهم ومدارستهم لازما ولا يستقيم حال أهل الحق إلا بذلك. Il dit حفظه الله تعالى, c'est pour ça que l'avertissement contre cela est quelque chose d'obligatoire, et s'éloigner d'eux c'est quelque chose d'obligatoire, et de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas étudier chez eux c'est quelque chose d'obligatoire, et la situation des gens de la vérité ne peut pas être dans la droiture s'ils n'agissent pas ainsi. قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Et il est dit dans le verset, la traduction approximative nous dit ceci. Et détourne-toi de ceux qui se sont détournés du rappel d'Allah, de notre rappel, et qui ne veulent que ce bas monde. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Il est dit dans l'autre verset que c'est cher ici. Patiente-toi et endure et impose à toi-même le fait de rester avec ceux qui invoquent Allah matin et soir. Ils veulent la face d'Allah et la récompense d'Allah. Ne te détourne pas d'eux. Ne va pas vers les gens qui cherchent le bas monde. Et ne suis pas, n'oublie pas ceux qui sont dont les cœurs sont insensés. Hein? Et dont les cœurs n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou sont détournés de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui suivent leur passion. وقال تعالى فذرهم وما يفترون. Et dans l'autre verset, laisse-les et le mensonge qu'ils imitent. وقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبت لا يخرج إلا نكدا. Et il dit dans le verset, et là, le pays noble, le pays bon, le pur pays, sa subsistance, sa végétation, et ce que donne la terre sort facilement avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le pays impur, ça ne sort qu'avec difficulté. وعلى ذلك درج أئمة المسلمين كما هو في كتبهم منشور وبعضه في هذا البحث المختصر منقول. Il dit, il a ainsi, c'est sur cette voie-là qu'étaient les imams des musulmans, c'est-à-dire sur la voie d'avertir et de s'éloigner contre les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Ainsi était, c'est sur cette voie-là sur laquelle étaient les imams des musulmans, et ceci est clair dans leurs livres, dans ce qu'ils ont écrit. Et il dit, dans cette recherche, dans cette risala, il y a, hein, malgré qu'il est, que c'est un résumé, il y a beaucoup parmi ce qu'il a rapporté cher ici qui va nous prouver comme quoi que les imams de cette communauté s'éloignent et ordonner le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, de ne pas apprendre avec eux, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les avoir comme compagnons. يقول وفي هذه الآونة قام من يشيد بالدراسة عند القوم على ضلالهم ويحث على احترامهم وإجلالهم. Ces derniers temps, il y a des gens qui commencent à appeler vers le fait d'étudier chez les gens de l'innovation, malgré leur égarement, et qui incitent les gens et qui leur ordonnent de les respecter. وفكثرت عن ذلك السؤالات وأجيب عنها في بعض الدروس والمناسبات غير أن رأينا أن الكتابة في ذلك أنفع. Et les questions se sont suivies concernant cette position-là. Et il y a eu des réponses à ces questions à plusieurs reprises. Ils sont enregistrés dans là à plusieurs reprises et à plusieurs occasions. Il y a dans les paroles des hommes de science et leurs réponses aussi. Mais il dit, nous voyons que le fait, l'écriture va être encore plus bénéfique. يقول وقد قام بذلك أخونا الفاضل الثبت على السنة أبو غالب عبد الله بن محمد الصومالي حفظه الله تعالى في رسالة هذه المسمى بتنبيه أولي الألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والارتيان. ثم اطلعت عليه فرأيته أتى فيه بأدلة كافية ونقولات شافية فأوفى بالمقصود بلا تطويل ممل ولا تقصير مخل فأسأل الله أن يجزيه خيرا آمين. Il dit, حفظه الله تعالى, notre noble frère qui est sur la sunna, qui est Abu Ghalib, Abdullah ibn Muhammad Somari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dans cet épître qu'il a intitulé « Attirer l'attention de ceux qui sont doués de raison sur l'interdiction du titulé chez les gens de l'innovation et du doute », il a dit « J'ai lu cet épître et j'ai vu qu'il est complet à son sujet. » Malgré qu'il soit, que c'est un résumé, mais c'est un résumé à... hein, qui n'a rien négligé au niveau des preuves, et ce n'est pas quelque chose de long dans laquelle on tombera dans la lassitude. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ce qu'il a fait. Amin. Yaqul al-Sheikh Abdullah Somali, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalati wassalami ala khatami al-anbiya'i wal-mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et Cheikh Abdallah Soumaré, Abdallah Ta'ala, dit dire au nom de Dieu, le clément miséricordieux, louange à Allah, la prière sur le prophète A.S. et sur les nobles messagers et les prophètes et les compagnons du prophète A.S. tous. Et il dit Amma ba'd, faqid intasharat, wa sha'at bayna awsat al muslimin, fitnatu at-talmud ala aydi ahli al bid'ah, wa istafhala sharruha, wa la siyama fi hadhihi al ayyam. وخرج لهذه الفتنة علماء سوء يدافعون عنها ويفتون بجوازها والأمر كما قال شيخنا حفظه الله أنه ما من مبطل إلا ويجد من الناس من يدافع عنه حتى ولو كان إبليس عليه لعائن الله إلدي حفظه الله تعالى Il s'est propagé au milieu des musulmans une énorme fitna qui est le fait d'étudier chez les gens de l'innovation. Il dit, cette fitna s'est propagée et a pris des énormes dimensions. Surtout que ces derniers jours, ils ont apparu des hommes de science du mal qui défendent et qui disent qu'il est permis de prendre la science chez les gens de l'innovation. Et il dit la situation, comme a dit notre cheikh, de qui il parle ici, il parle du cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala. Il dit que chaque faussaire, quelqu'un qui est sur une voie fausse, il trouve des gens qui vont le défendre et qui vont défendre ses idées, même si c'est les Iblis qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Savoir que la Risala, la première tabaa de cette Risala, il s'est fait au 1424. Hein? On est au 1431. Yaqul hafidhahullah faysarallah. Et ici, il parle de notre cheikh, il parle de Cheikh Yahya. Il parle de Cheikh Yahya, parce que Cheikh Mokbel est mort déjà, rahimahullah ta'ala. يقول حفظه الله فيسر الله والحمد لله إن كتبت في هذه المسألة بحثا متواضعا نسأل الله أن يرزقنا فيه الإخلاص. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a louangé à Allah subhanahu wa ta'ala, m'a permis, m'a facilité d'écrire ce sujet modeste, il demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sincérité. يقول فذكرت اولا ادله تحريم الدراسه عند اهل البدع من الكتاب والسنه اذ هما اصل الشريعه والدين وقد قسمتها الى 27 بابا وذلك لكثرتها ومع هذا لم استوعبها كلها خشيه الاطاله. Il dit d'abord j'ai cité les preuves comme quoi il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation. J'ai d'abord cité les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète, car ce sont l'origine de la législation de cette religion. Il dit, cette risala, je l'ai divisée en 27 chapitres. Il dit, toutes les preuves, j'ai pas ramené toutes les preuves parce que j'ai peur que ce soit trop long. يقول حفظه الله ثم ذكرت بعد ذلك أقوال السلف في المسألة وتحريت فيها الصحة حسب علمي. Il dit, et après la parole d'Allah, le cantique de la sunna, j'ai ramené les paroles des puisères d'Allah alayhim à ce niveau-là. Il dit, je n'ai fait que chercher que ce qui est authentique. C'est-à-dire que dans les preuves, dans la parole des salaf, il a ramené que ce qui est authentique. يقول وإن كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي لكن لما كان منهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة على فهم السلف أتيت بأقوال السلف في المسألة. Il dit alors que c'est suffisant. Les preuves qu'il y a dans la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sont suffisantes. Mais il dit, comme il fait partie de la voie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, hein, qui sont unis sur le livre d'Allah et l'authentique de la sunna, leur compréhension, c'est la compréhension des puisères d'Allah, j'ai ramené la parole des puisères d'Allah. Allez. Puisque c'est une voie. Ils prennent le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, avec la compréhension du puisère d'Allah. C'est pour ça qu'il a encore renforcé avec les paroles du puisère qui, en même temps, te donne l'authentique interprétation à voir hein, de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul, thumma dhakartu ba'da dhalika ba'da shubah, wa ma tayassara min al-jawabi anha, fa nas'alullah an yanfa'ana bih. Il dit, j'ai cité aussi certaines ambiguïtés et j'ai répliqué à ces ambiguïtés, il dit je demande Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit bénéfique pour nous et que notre acte soit sincère pour Allah. كتبه عبد الله بن محمد بن حسين الصومالي في عشر جمادى الأولى سنة 1424 للهجرة. Il marque enfin, écrit par Abdullah ibn Muhammad ibn Hussein Somali le 10 Jumad al-Oula au nom 1424. يقول حفظه الله دلالة الكتاب والسنة على تحريم الدراسة عند أهل البدع. Il dit حفظه الله تعالى le premier chapitre. Les preuves du livre d'Allah et de la Sunna concernant l'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Il cite ce premier verset qui dit si tu vois ceux qui litigent, ceux qui palabrent dans les versets d'Allah Azza wa Jal, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Quand ils disent n'importe quoi sur les versets d'Allah, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si Shaitan te fait oublier, ne reste pas avec eux une fois que tu te rappelles. Ne reste pas avec les gens injustes après que tu t'en rappelles. Si Shaitan il t'induit en erreur et après tu te rappelles, tu t'éclipses, tu t'en vas. Tu ne restes pas avec eux à l'islam. قال القرطبي في تفسير الآية في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم يرحمك الله على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال لا تجالس أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. قال المعلق على تفسير القرطبي ويصوبون آراءهم تقية يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك. Il dit حفظه الله تعالى القرطبي dans son exégèse du Coran, il dit concernant l'interprétation de ce verset. Dans ce verset, il y a une réplique. Dans le livre d'Allah, il y a une réplique à ceux qui prétendent que les imams de la communauté qui sont une preuve, ainsi que leurs disciples, ils ont le droit de rester et de se mélanger avec les pervers et d'orienter vers le bien leurs opinions. Hein? Pour se préserver, en bas, il y a un commentaire pour se préserver de leur mal et de montrer qu'ils sont bien avec eux, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Il dit, et Tabari a cité de Abi Ja'far, Muhammad ibn Ali, radiallahu anhu, qu'il a dit, ne vous asseyez pas avec ceux qui litigent. Ceux qui litigent dans les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui polémique sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui disent n'importe quoi sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن العربي المعرف بالالف واللام ليس النكرة هذا دليل على ان مجالسة اهل الكبائر لا تحل. ابن العربي avec al avec un article défini et non pas l'indéfini. L'indéfini c'est une grande tête de la mécréance qui voyait le fait de l'unicité de l'existence. Ibn al-Arabi ici, c'est l'un des grands imams d'Al-Malikiya. Et son nom s'écrit avec l'alif ou l'lam. Avec alif ou l'lam. Al-Arabi. Et l'autre l'égaré, c'est Ibn al-Arabi, tout simplement. Il y a une grande différence. Ibn al-Arabi a dit, ça c'est une preuve comme quoi il n'est pas permis de s'asseoir et d'être en compagnie de ceux qui sont dans les péchés capitaux. قال ابن خوي زمنداد من خاض في آية الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. Et ابن خوي زمنداد a dit celui qui litige et qui dit n'importe quoi sur les versets d'Allah, on le délaisse et on le met à la quarantaine, aussi loin de lui. Qu'il soit croyant ou qu'il soit mécréant, peu importe, on s'éloigne de lui, on le met à la quarantaine. قال وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع. Il dit, ainsi on dit, nos compagnons, il dit qu'il ne faut pas rentrer dans la terre de l'ennemi, ni rentrer dans leurs églises, ni rentrer dans leurs synagogues, ni s'asseoir avec les mécréants et les gens de l'innovation. Être en compagnie des mécréants et les gens de l'innovation. Qu'est-ce qu'il en est parmi les choses qui sont tristes et qui font pleurer les voix, que la semaine dernière, on prend que dans un centre culturel qui est une salle de prière, c'est le rabbin qui a fait le cours aux musulmans devant lui. Et c'est le curé qui vient tous les mardis apprendre à l'imam le français. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. À Rennes, pas très loin de chez vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa alaykoum salam. يقول وأن لا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. Il dit qu'on ne croit pas à la sympathie avec eux, ni qu'on entende leurs paroles, ni qu'on débatte avec eux. وقال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي اسمع مني كلمة فأعرض عنه وقال ولا نصف كلمة ومثله عن أيوب السختياني رحمه الله. Et il dit, حفظه الله تعالى, certains gens de l'innovation, ils ont dit à Abi Imran Nakhai, رحمه الله, écoute-moi juste, de moi, écoute juste une parole, un mot. Et il s'est vite tourné de lui. Il lui a dit, même pas la moitié d'un mot, j'écouterai de toi. La même chose nous a été rapportée de Ayyub Sirtiyani, rahimahullah. Wa qala Fudayl ibn Iyad, man ahabba sahiba bid'atin, ahbata Allahu 'amalah, wa akhraja nur al-islam min qalbihi, wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. Et Fudayl ibn Iyad رحمه الله تعالى de dire, celui qui aime un homme de l'innovation et un prêcheur de l'innovation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vidé ses actes comme s'il n'a rien fait. Il dit, la lumière de l'islam sort de son cœur. Et celui qui marie sa fille à un innovateur, il a coupé la relation familiale avec elle. Et celui qui s'assoit avec un innovateur, il n'aura pas la sagesse, il n'aura pas le hikmah. Et il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala sait de quelqu'un qu'il déteste, هذا صاحب البدعة, c'est celui qui est un lieutenant dans sa bid'a, il appelle vers sa bid'a, etc. Il a dit, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. ثم قال القرطبي بعد نقله هذا الكلام. القرطبي dans son exégèse du Coran, il a dit, après avoir ramené toutes ses paroles concernant ce verset, il dit, فَبَطَلَ بِهَذَا كُلِّهِ قَوْلُ مَنْ زَعَمَا أَنَّ مُجَالَسَتَهُمْ جَائِزَةً إِذَا صَانُوا أَسْمَعَهُمْ انتهى كلامه رحمه الله. Il Qurtubi en commentaire de tout ça dans son exégète, il a dit, et ainsi il t'apparaît que leur parole est fausse, que celui qui prétend comme quoi il faut s'asseoir avec eux, qui s'est permis en protégeant ses oreilles, هذا non, c'est faux. يقول الشيخ حفظه الله فتبين من كلام القرطبي وغيره من العلماء أن مجالسة أهل البدع والدراسة عندهم محرمة. Et القرطبي الشيخ de nous dire حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله الصومالي dit, il nous apparaît clairement maintenant de la parole de القرطبي ainsi que des autres des hommes de science, que le fait de s'asseoir et d'être en compagnie des gens de l'innovation et d'étudier chez eux, ceci est interdit. وقال وأن هذا مذهب العلماء قاطبة سلفهم وخلفهم وأن الذين يرد عليهم القرطبي هم قوم أباحوا مجالسة المبتدعة وغيرهم من أهل الضلالات بشرط عدم السماع منهم والنصيحة لهم. الشيخ ذو نديح حفظه الله تعالى إساس لفوة دي زون دو سيونس توس les anciens et ceux qui les suivent. Et que ceux à qui il a répliqué le Qurtubi, rahimahullah, il a répliqué à des gens qui ont donné l'autorisation et qui autorisent le fait de s'asseoir avec les innovateurs et les gens de l'égarement à la condition de ne rien entendre d'eux et de les conseiller. Hein? يقول حفظه الله فدل هذا أن العلماء متفقون على تحريم الدراسة عندهم. Et Cheikh de nous dire, حفظه الله تعالى, cela prouve que les hommes de science sont à l'unanimité sur le fait comme quoi il est interdit d'étudier chez eux, chez les gens de l'innovation. وقال ابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية حدثنا أحمد بن سنان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين وإذا رأيت الذين يخوضون أنه كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء وهذا سند صحيح إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى. إيه ابن أبي حاتم dans l'interprétation de ce verset il a dit أحمد بن سنان nous a dit que Mu'ad ibn Mu'ad l'aura dit, que Ibn Aoun l'aura dit, le rapportant de Muhammad, Muhammad ici, c'est Ibn Sirir, rahimahullah ta'ala. Quand tu vois ceux qui disent n'importe quoi sur le verset d'Allah, il dit, ce verset est descendu sur les gens de l'eux qui suivent leur passion. Et ça, c'est une chaîne de transmission qui est authentique, qui ramène directement à Ibn Sirir, rahimahullah. وقال ابن كثير عند الآية السالفة وقوله وإما ينسينك الشيطان والمراد بذلك كل فرض من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها غلا غير مواضعها انتهى كلامه رحمه الله. إيه ابن كثير رحمة الله عليه concernant le verset qui est passé. Et si le shaitan te fait oublier, il a dit ce qu'il a voulu avec chaque individu de la communauté. Il ne doit pas s'asseoir avec ceux qui mentent et qui déforment les sens des versets d'Allah et qui posent les versets d'Allah là où il ne faut pas. C'est-à-dire qu'ils les prennent comme une preuve, ils l'utilisent là où il ne faut pas les utiliser. يقول الشيخ حفظه الله فتبين أن ابن كثير يرى أن الآية عامة تشمل الكفار والمبتدعة من قوله الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها. الشيخ de nous dire, il apparaît clairement dans la parole de Ibn Kathir comme quoi qu'il voit que ce verset il est général, il concerne les mécréants comme il concerne les innovateurs. Il a dit ceci, il le tient d'où? Il le tient de la parole de Ibn Kathir qui dit ce qui déforme les versets d'Allah et qu'il les utilise là où il ne faut pas. يقول حفظه الله لأن أهل الأهواء أجمعوا على تحريف نصوص الكتاب والسنة التي تخالف أهواءهم وحرفوها عن ظاهرها بغير دليل يدل عليه وما لم يستطيعوا تحريفه فوضوه كما قال أحدهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. Et il dit حفظه الله que les gens de l'innovation, les gens qui suivent leur passion, sont à l'unanimité sur le fait de changer le sens des textes. Changer le sens des textes de la parole d'Allah, de l'authentique de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ces textes vont à l'encontre de leur passion. Et donc, il lui donne une autre signification. Sans aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve quand ils agissent ainsi. Et les versets ou les textes qu'ils ne peuvent pas déformer et leur donner un autre texte, ils délèguent le sens, ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire avec. Hein? C'est pour ça que l'un parmi eux a dit, tout texte qui donne l'illusion comme quoi il y a la ressemblance dedans, bah, soit tu lui donnes une autre signification, soit tu délègues son sens. Hein? Et là, il parle des textes concernant les attributs d'Allah. Quoi, quand, par exemple, pour lui, l'yed, il ne veut pas confirmer l'yed d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, s'il est confirmé, qu'est-ce qu'il fait? Soit, s'il arrive à lui donner une autre signification, il va lui donner, soit il dit, bah, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? Et ça, c'est sur la voie sur laquelle étaient les innovateurs sur laquelle ils sont. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam al-adhi. Combien parmi eux tu dises maintenant, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? Et qui mettent en doute les interprétations qu'ont léguées les plusieurs d'Allah, parmi eux, les compagnons. Certains, ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas ce que veut dire Allah par ça. Alors que les compagnons ont une parole là-dessus. Et dans ces cas-là, quand ils disent on ne sait pas, ils mettent de côté la parole du compagnon. On doit Allah aller. On s'allah subhanahu wa ta'ala, salam alaikum. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله عند الآية السالفة وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. Et l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, dans son exégète du Coran, concernant le verset avec lequel Cheikh il a commencé ce passage, il dit dans ce verset, il y a une énorme exhorte. Pour ceux qui caressent dans le sens du poil les innovations, les innovateurs qui s'assoient avec eux, qui s'assoient avec ceux qui donnent un autre sens et qui déforment la parole d'Allah, et qui jouent avec le livre d'Allah, et la sunna de son messager, et qui ramènent tout ça, c'est-à-dire l'interprétation du livre d'Allah, et tout ça, ils le ramènent vers où? Vers leur passion égareuse, et vers leur mauvaise innovation. يقول رحمه الله فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير يسير. Et il dit à celui qui se trouve parmi eux, à la parole de l'imam Shukani, s'il ne peut pas blâmer et changer ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils sont en train de dire, bah, la moindre des choses, c'est de ne pas rester avec eux, et cela, c'est la moindre des choses qu'il peut faire. La moindre des choses, c'est que tu ne restes pas avec eux. Alaykoum salam. Tu n'augmentes pas leur nombre. Tu n'écoutes pas leur futilité. Parce que tu n'es pas sûr que ton corps, ton cœur, il est blindé. Hein? Donc tu dois te fuir, te protéger, à l'islam. يقول حفظه الله يقول رحمه الله الكلام للإمام الشوكاني رحمه الله وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزه عما يلبسون به شبهة يشبهون بها على العام. Et peut-être il dit l'imam Shoukani رحمه الله, ils vont faire en sorte, fait qu'il est avec eux et que lui il sait comment rejeter tout ça, mais ils vont prendre le fait qu'il soit assis avec eux comme une ambiguïté avec laquelle ils vont induire le commun du musulman en erreur. Oui, il est avec nous, il s'assoit avec nous. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui est remarqué parmi les gens. Et s'il agit ainsi, il va détruire plein de gens qui le prennent comme modèle. Et ils vont tomber à cause de lui. Parce qu'il n'a pas été digne de la voix de ses puiseurs d'Allah alayhi. Il n'a pas compris. Hein? Ils sont tranquilles. Tu t'assois avec eux. Et tu es parmi que les jeunes te prennent au modèle et tu es assis dans une assise d'Yel Tbilir ou d'Yel Ikhwan ou d'Yel Ahbaj. Humara, quand il est là, il fait du'a. Allah ibarak, c'est ce qu'on nous voulons. Parce qu'il sait qu'après le jeune qui est passé de l'autre côté, après ils peuvent l'avoir enfilé. Comment il va l'avoir enfilé? Quand il va lui parler, il dit, mais t'as pas vu tel? Il était avec nous. Tu l'as vu l'autre l'autre jour, je t'ai vu passer devant nous. Hein? Et tac. Alors, il faut pas voir tout simplement, moi je vais me protéger. Je peux me protéger. Là, il y a l'islam. Mais est-ce que celui qui te voit de loin va pouvoir comprendre la même chose que toi? Abadan. يقول فيكون وكلام الإمام الشوكاني رحمه الله فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. Il dit dans le fait, dans ces cas-là, sa présence au milieu d'eux va être un mal de plus. Pas tout simplement il écoute le blâmable. Maintenant il y a quelque chose de plus, c'est qu'il entraîne les autres à tomber dans leur filet. يقول وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر. Et il dit, l'imam Shoukan, nous avons vu de ces assises maudites des choses qu'on ne peut même pas citer, on ne peut même pas arrêter dans la citation. Il y a beaucoup de choses. يقول وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. Il dit, nous avons accompli, nous sommes levés à défendre la vérité et à repousser le mal selon nos capacités et selon ce que nous pouvions faire. يقول ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. Il dit, حفظه الله, ça c'est la parole de ceux qui ont la clairvoyance, la parole de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la compréhension de la religion. Il dit, حفظه الله, رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. Il dit, celui qui connaît la législation pure, comme il se doit, il sait que les assises des gens de l'innovation et de l'égarement, il y a le mal qu'il y a, c'est un mal qu'on ne peut même pas comptabiliser. Il dit, il y a dedans le triple du mal qu'il peut y avoir dans une assise dans laquelle on dit oublier Allah subhanahu wa ta'ala. L'assise dans laquelle se propage l'innovation est pire que l'assise dans laquelle il y a une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, il ne veut pas dire qu'il est autorisé d'être dans les assises de... Mais pour te montrer le danger, pour te montrer qu'il y a un danger beaucoup plus grave que l'autre. Yaqul ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهديانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. Il dit, حفظه الله تعالى, surtout ce passage là, ce dernier là dans la parole de l'imam, il nous concerne tous, il nous concerne tous. Il dit surtout ceux qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de racine dans la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna, peut-être que il va gober leurs mensonges, hein, et tout ce qui est faux chez eux il va le gober, et le faux il va le prendre pour vérité, et il s'installera dans son cœur, il ne pourra pas s'en défaire, il ne pourra pas le repousser, et il va le mettre en application pendant toute sa vie. Il va rencontrer Allah en croyant que ça c'était la vérité alors qu'elle était dans le faux. C'était le plus grand des blâmables. Hein? C'est pour ça, frère en Allah, il ne faut pas qu'on soit un but de nous-mêmes. Non, je connais. Je sais. Je peux prendre le vrai et laisser le faux. Comment tu sais déceler le vrai du faux? Et je te donne un exemple. Il y a qu'au bled, par exemple au Maroc, ils maîtrisent la langue arabe. Hein? Bah, pendant plusieurs années, ils sont restés devant Cheikh Al-Maghraoui, il dit, en arabe clair, من أطاع زوجته فقد جعلها صنما. Et pourtant, ils n'ont rien vu. Et il est passé pendant, jusqu'à ce que les hommes de science se penchent sur cette parole et disent, attends, ça c'est de la Qutbiyya totale. Et pourtant, ils avaient l'arabe. Combien d'années ils ont dans ce genre de phrase, combien il y a eu dans les cours de Cheikh Al-Maghraoui et d'autres. Celui qui obéit à sa femme, il l'a pris comme divinité. Il s'est passé des gens qui lisent l'arabe, des gens gars qui étaient universitaires. Il ne faut pas qu'on soit, nous qui n'avons pas l'arabe, que nous n'avons pas encore ni le tome, le premier tome de Médine, ni le deuxième, ni rien du tout. Pourquoi s'envoyer dans la gueule du loup? Pourquoi aller à sa perte? Pourquoi être la proie des innovateurs? Pourquoi vendre? Là, il faut faire très attention. Quand tu reçois un avertissement digne, des hommes de science qui sont dignes de l'avertissement, joue pas avec ta religion, joue pas. Sinon, c'est toi. Tu vas t'envoyer dans la gueule du loup. Tu cherches l'agrément de Allah et tu vas te foncer toi-même. وقال السعدي في تفسير الآية المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر الإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك. Et Imam Sa'di rahmatullah alayh, dans son exégète, il a dit ce qu'il voulait avec le fait de dire n'importe quoi sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire des choses qui sont contraires à la vérité, en embellissant les belles paroles de ceux qui les disent et les emblèmes, certaines paroles qui sont clinquantes, les embellir, etc. Et appeler vers ses paroles et faire l'éloge des gens qui agissent ainsi, qui faussent le sens des versets, qui faussent le sens des textes. Il se dit tourner de la vérité et critiquer les gens de la vérité. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager et à sa communauté, suivant son messager, alayhi salatu wasalam, quand il voit des gens qui litigent et qui disent n'importe quoi sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent s'en détourner, ils ne doivent pas rester avec eux, ils ne doivent pas être en leur compagnie, ils ne doivent pas s'asseoir avec eux. Ils ne doivent pas être avec eux, ils doivent se sauver. وقال أيضا عند قوله أي الإمام السعدي رحمه الله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يشمل الخائضين بالباطل وكل من تكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. Et il a dit aussi concernant, toujours l'imam Sa'di, rahmatullah, la citation de l'imam Sa'di, concernant le verset, « Che shaitan te fait oublier, ne reste pas avec eux quand ils te rappellent, ne reste pas avec les gens injustes. » Il dit ça englobe les gens qui parlent, avec difficulté, qui ramènent le faux à la place du vrai. Et ça ressemble, ça concerne aussi que les gens qui parlent avec ce qui est blâmable, ce qui est illicite, qui disent des choses, ou qui font des actes illicites. Il est interdit de rester avec eux et d'être présent là où il y a le munkar, que tu ne peux pas changer. Oh, tu ne peux pas y être. L'endroit, il y a de la musique dedans. Qu'est-ce que tu y fais? C'est le mariage de ma soeur. La khalisla. Tu ne restes pas là où il y a le blâmable. Tu es là, tu assistes au mariage de ta soeur ou là, ton frère, quand il n'y a pas le blâmable. Mais quand il y a ce qui est haram, tu t'éclipses à l'islam. وقال تعالى انتهى كلام هذا السعدي رحمة الله عليه وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Pour nous montrer comme quoi il ne faut pas s'asseoir avec les gens du blâmable, avec les gens de l'innovation, ni apprendre chez eux. Il vous est descendu, il vous a descendu un livre, et dans ce livre, il y a dedans le fait, si vous entendez, qu'on m'écroit, on est versé d'Allah, on s'en moque, des versets d'Allah, ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation, qu'ils changent de sujet. Si vous restez avec eux, vous êtes comme eux. Si vous restez avec eux, vous êtes comme eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala réunira les hypocrites et les mécréants au feu de l'enfer tous. قال ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم وبنحو ذلك كانت جماعة من الأئمة الماضية يقولون تأولا منهم هذه الآية إنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه انتهى كلامه رحمه الله تعالى ابن جرير رحمة الله عليه دون السيتاسيون كنو فيه سي الشيخ عبد الله تعالى ابن جرير دي et dans ce verset il y a une épreuve claire comme quoi il est interdit d'être en compagnie des gens du faux. Tous les gens du faux, toutes catégories confondues, les innovateurs, les pervers, quand ils parlent de leur fausserie, de leur mal, etc. Il ne faut pas que tu restes avec eux. Il dit, un grand homme, un grand ensemble d'hommes de science, qui sont passés de grands imams, sont sur cette voie-là. Ils donnent cette interprétation à ce verset, comme quoi il est voulu avec le fait qu'il est interdit d'être avec les gens du faux, et d'être avec eux, et d'assister quand ils parlent avec leur faux, et quand ils font leur blâmable, ou là quand ils parlent avec leur faux. Il faut t'en éloigner. وقال القرطبي في تفسيره عند هذه الآية فدل بهذا على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فلقد رضي بفعلهم والرضا بالكفر كفر قال تعالى إنكم إذا مثلهم فكل من جلس مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. Et le Qurtubi rahmatullah alayhi, dans son exégète, il dit, et ce verset te prouve qu'il est obligatoire de s'éloigner et d'éviter les gens de la désobéissance quand ils font leur désobéissance, quand ils commettent le blâmable. Car celui qui ne s'éloigne pas d'eux à ce moment-là, c'est qu'il agrée ce qu'ils sont en train de faire. Et il dit, celui qui agrée la mécréance, il tombe dans la mécréance. Celui qui agrée un acte de mécréance, ben, il tombe dans la mécréance. Car dans le verset, il est dit, vous êtes comme eux, dans le verset. Mais ici, quand il parle de mécréance, alors la désobéissance pour lui, ce n'est pas une mécréance. Il faut bien comprendre les choses. Hein? La désobéissance, c'est la désobéissance. Hein? Et tant que la personne qui commet un péché capital n'a pas pris comme licite ce péché, bah, c'est un péché tout simplement. Pour ne pas comprendre mal ce que... Hein? Il dit, tout un chacun qui s'assoit dans une assise dans laquelle il y a la désobéissance, il ne blâme pas, bah, dans le péché il est comme eux. Il n'a pas fait, mais il est là, il cautionne. Il ne blâme pas, il est là. Ils font matin, ils sont en train de boire du vin ou jouer au jeu d'hasard, etc. Et toi tu es là. Et tu ne blâmes pas, mais tu es comme eux. Tu prends le péché comme ils le prennent. Hein? Et il est obligatoire que tu blâmes ce qu'ils sont en train de faire. S'ils parlent avec quelque chose, avec une désobéissance, etc. Et s'ils la mettent en application, tu blâmes. Et si tu n'es pas capable de blâmer, il est de ton devoir de les quitter et de ne pas rester avec eux pour que tu ne sois pas parmi les gens de ce verset. Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut pas que tu restes avec eux. Il a un qal. وَإِتَّبَتَ تَجَنُّبُ أَصْحَابُ الْمَعَاصِ كَمَا بَيَّنَّا فَتَجَنُّبُ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ أَوْلَى إِنْتَهَا مُلَخَّصًا. Jusqu'à ce que l'imam Qurtubi il a dit, et quand il t'apparaît qu'il est confirmé qu'il faut s'éloigner des gens de la désobéissance, donc le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, c'est en priorité, il faut s'éloigner de ceux-là, de ceux qui sont dans l'innovation et qui suivent leur passion. En priorité, ceux-là, il faut les éviter. Hein? Ça, ce sont les paroles de l'imam Qurtubi, rahimahullah. Wa qala al-Shawkani indaha, rahimahullah. وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو معتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. الشوكاني رحمه الله عليه concernant ce verset il dit, et dans ce verset en prenant en considération le sens général de ce verset, sans prendre en considération la cause de la révélation, est une preuve comme quoi il faut éviter toute position. Il faut éviter tous gens qui sont dans une position, qui sont en train de se moquer ou de diminuer de la valeur, de diminuer les preuves de la législation. Et les innovateurs, ce sont des gens qui diminuent de la valeur des textes à l'islam. Wa alaykoum salam. Wa qala as-Sa'di rahimahullah indaha wa yadkhulu fi dhalika mujadalatu al-kuffar wal munafiqin li ibtal ayati Allah wa nasr kufrihim wa kadhalika al-mubtadi'atu ala ikhtilaf anwa'ihim fa inna ihtijajahum ala batilihim yatadammanu al-istihana bi ayati Allah li'annaha la tadullu illa ala al-haq wa la tastalzimu illa sidqa bal wa kadhalika yadkhulu fi hudur majalis al-ma'asi wal-fusuq allati yustahanu fiha bi أمر الله ونواهيه وتقتحم حدود الله التي حدها لعباده. انتهى كلام السعدي رحمه الله. Il dit en rapportant de l'imam Sa'di رحمه الله. Et rentre dans cela la polémique que font les mécréants et les hypocrites pour annuler les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut triompher leur mécréance. Il dit, il en est de même des innovateurs de différentes tendances. Car le fait qu'ils utilisent des preuves pour le faux sur lequel ils sont, cela implique qu'ils sont en train de rabaisser et de se moquer des versets d'Allah qui prouvent la vérité et qui n'impliquent que la vérité et la véracité. Alors le fait de les utiliser pour prouver leur fausserie et la voie fausse sur laquelle ils sont, ben ils sont en train de rabaisser les textes. Ça, c'est la parole d'Al-Sa'di, rahimahullah. Et il dit, et rentre dedans aussi le fait d'être présent dans les assises où on accomplit la désobéissance, la perversité, et dans laquelle, parce que dans ces assises, on rabaisse, on ne prend pas en considération les ordres d'Allah et ses interdits, et là, dans ces assises, qu'est-ce qui se passe? On transgresse les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on transgresse les limites qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait pour ses serviteurs. وَقَالَ الْأَلُوسِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعة من أي جنس كانوا وإليه ذهب ابن مسعود وإبراهيم وأبو وائل وبه قال عمر بن عبد العزيز إلى أن قال وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن مجالسهم لا الإعراض بالقلب والوجه فقط. إلدي En rapportant les paroles d'Al-Alusi rahmatullah alayhi dans son exégète, il dit, certains ont pris ce verset comme preuve pour interdire le fait de s'asseoir avec les pervers, avec les innovateurs de toute tendance. Et c'est la voie vers laquelle est allé Abdullah ibn Mas'ud, Ibrahim al-Nakha'i, Abu Wa'il, Omar ibn Abdel Aziz a dit, la même chose a dit Omar ibn Abdel Aziz, jusqu'à ce qu'il ait dit. Et ce qu'il voulait avec le fait de se détourner, c'est de montrer, quand tu te lèves et tu sors de l'orage assise, il doit montrer que tu es en divergence avec eux, que tu n'acceptes pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas tout simplement de se détourner avec le visage. En étant assis, et tu tournes ton visage, ou laisse détourner avec le cœur tout simplement là. Se lever pour montrer que tu es en divergence avec ce qu'ils sont en train de faire. Et nous allons nous arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakallahu khairan.